À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, ont eu lieu un rassemblement et un séminaire en Allemagne et un entretien en Angola. Y ont pris part des personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont exalté les espoirs immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et souligné que sous la direction éminente du maréchal Kim Jong-un pour la révolution de Sun-gun, les militaires et civils coréens créent des miracles et innovations éblouissants dans le renforcement de la défense nationale et l'édification d'une puissance économique.